Allô Juliette? Allô? Bonsoir Juliette, ça va bien? Bonsoir. Ouais, ça va et toi? Ouais, très bien. Tu m'entends bien? T'as tes écouteurs? J'ai pas d'écouteurs. En fait, j'ai que des écouteurs en Bluetooth, donc je sais pas trop. S'ils fonctionnent? Bah, si je peux les mettre. Enfin, c'est des écouteurs tout seul, y a pas de micro dessus. Théoriquement, il y a un micro associé. Bah, essaye toujours le temps que les auditeurs arrivent. Comme ça, parce que le son est forcément meilleur si tu as des écouteurs comme ça. Mais Il y tu a sais, c'est Cricri les... déjà qui est avec nous. Ah oui, Ouais. bonjour Cricri. Tu sais, c'est les Bonjour écouteurs Samsung. Cricri. Salut Tu Steven. penses qu'il y a un micro dessus? Bah, théoriquement, des écouteurs ont toujours un micro parce que c'est pour passer des appels. Ok, alors Vas-y, je vais... essaye. Essaye, et au pire, t'enlèveras. Pendant ce temps, je joue les commentaires. Salut Steven, merci d'être avec Salut à nous. tous. J'espère que vous allez bien. Super bien, ce 1er avril, j'adore cette date. En fait, il y a plein de modifications sur cette application, donc j'ai du mal à comprendre comment ça marche, mais salut à tous! Ouais, salut, oui, totalement, il faut qu'on se refasse un petit peu, faut pas qu'on quitte sans faire exprès. Là, je vois qu'en bas, j'ai les commentaires, ça c'est quoi? Je fais mes tests maintenant. Ok, ah oui, ils ont intégré des jeux. Ok, ça ne va pas être pour ce soir. Salut Andrea, merci d'être avec nous. Alors Juliette, est-ce que tu peux parler pour que je vois? Ah là, tu as coupé ton micro, Attends. Juliette. Tu Ah m'entends là, je là? t'entends? Oui. Bah en fait, j'ai essayé de les connecter, ça marche pas, donc je pense pas qu'il y ait Ok. de micro dessus. Ok. C'est les Étonnant, seuls mais que ok. j'ai. Donc. D'accord. Bon, là, moi j'entends bien, chers auditeurs, si vous pouvez juste nous confirmer que vous entendez bien Juliette aussi, qu'il n'y ait pas un écart pour les podcasts ensuite. Cri-cri, bonsoir Bonjour, Cri-cri. ça va bien? Ça va très bien et toi? Merci de me confirmer que vous m'entendez bien. Ouais, tout le monde en est là, hein. Tout le monde doit faire ses tests, on t'entend très bien. Et Andrea, salut Coucou Andrea. à tous. Salut Andrea. Oui, j'entends bien aussi. Ouais, j'entends bien. C'est bien, on sait ce que font les gens chez eux en même temps. Oui, c'est vrai, il y a la On télé entend chez bien le Cricri, on entend une enfant chez Andrea, donc ouais, fond. on sait tout. Allez, je commence avec mon introduction. Il y a La Frappe aussi qui nous écoute. Bonsoir La Frappe. Alors, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans Beauté Imaginée, le podcast où on peut parler ensemble de beauté sans forcément s'exposer. Émission exceptionnelle ce soir. Les journalistes beauté se l'arrachent. Les magazines féminins achètent à prix d'or ces interviews. Les beauty addicts sont à l'affût de la moindre de ces stories et Jean-Paul Gaultier l'a encore appelé longuement ce midi pour trouver l'inspiration de sa prochaine collection. Je n'ai évidemment pas besoin de vous en dire plus, vous l'avez immédiatement reconnu. Il s'agit bien de l'experte Juliette, alias SuperJuju94 sur Instagram. Et 94, ce n'est pas son âge, mais le nombre de livres de cosmétiques qu'elle a publiés, c'est vous dire. Et c'est ainsi avec un immense honneur que j'ai le plaisir de la recevoir ce soir, du 1er avril 2022, près d'un an après d'ailleurs, après le tout premier live de Beauté Imaginée que nous avions déjà animé ensemble avec toi Juliette, tu te souviens? Ah oui, je me souviens bien. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de parler du thème suivant, live Poisson d'avril, le béaba de la beauté avec Juliette. Et si vous écoutez parfois cette émission beauté, vous avez déjà entendu parler de Juliette et déjà entendu parler Juliette parler de beauté, pardon. Elle a bien sûr des qualités indéniables hein, de fidélité, d'autodérision. D'ailleurs, merci beaucoup Juliette hein, vraiment pour tout ça. Et côté léger défaut, et c'est évidemment l'aspect sur lequel on se devra d'insister tout au long de ce live avec un soupçon de bienveillance, Juliette n'est pas méga attentive, non non non, ni très calée quand on parle beauté. Ça va Juliette? Ça va, super. J'ai hâte de faire part de mes grandes connaissances dans ce domaine. On a hâte aussi de savoir ce que tu as à nous raconter. Alors, déjà, chers auditeurs, si vous avez à chaque fois une réponse à apporter par rapport aux questions que j'ai posées à Juliette, n'hésitez pas. Hein, si vous avez une idée, si ça vous inspire quelque chose. Bonsoir, touriste. Alors, du coup, experte Juliette. On entend beaucoup parler de la clean beauty, un peu à tout va. La définition n'est pas vraiment la même entre ici et les États-Unis, par exemple. On s'y perd un peu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être la définition de la clean beauty en France et aux États-Unis, s'il vous plaît? Alors, la clean beauty, pour moi, comme son nom l'indique, je pense que ça veut dire nettoyer son visage, enfin bien nettoyer son visage avant de s'appliquer du maquillage sur le visage. Et donc, j'imagine qu'en France, on nettoie son visage bah, avec du démaquillant, notamment à l'aide de coton, alors qu'aux États-Unis, on fait ça seulement avec de l'eau. Je pense que c'est ça la différence entre les deux. Oui, merci beaucoup, expert Juliette. On va tout de suite écouter le commentaire de Mais Steven. quelle ovation pour Juliette. Franchement, je ne me doutais pas de toute cette expérience. Je suis impressionné. Eh oui, tu Oui. vois, en plus de toutes ses qualités, Juliette est très très humble. C'est Steven ça, c'est une encore. première réponse à une première question qui est très clean. Lol. En effet, cri cri. Moi, la clean beauty, c'est plutôt une beauté, enfin des produits de beauté axés environnement, développement durable. Ah, intéressant, cri cri. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, moi, c'est que dans sa conférence publiée la semaine dernière, La cosmétique, danger et idées reçues, Marie Dellinger nous explique que la clean beauty vient au départ des États-Unis. Je précise que toutes les citations que moi je donne ce soir sont réelles, hein, mon but étant qu'on s'instruise sur l'industrie cosmétique. Là-bas, du coup, la réglementation a le même objectif de sécurité pour le consommateur, sauf que là-bas, on demande aux entreprises de respecter les règles. Et parfois, il y a ensuite des contrôles, mais ce n'est pas systématique. Donc, face à ces possibles lacunes, la clean beauty a émergé parce que les consommateurs avaient juste peur de la composition des produits. Toujours aux États-Unis, du coup, la clean beauty, c'est l'ensemble des cosmétiques sans produits controverses, quelle que soit la controverse, même si elle n'est pas du tout démontrée scientifiquement. Et du coup, des produits en parapharmacie avec par exemple des huiles minérales qui sont bien tolérées par les peaux un petit peu allergiques par exemple, vont être considérées comme sales, entre guillemets, par opposition à clean. Et c'est ce que déplore d'ailleurs la scientifique Marie Dellinger. Et en France, nous, on a ajouté la notion environnementale à cette exigence de sécurité, qui représente du coup la clean beauty. Voilà, donc chers auditeurs, je pense que vous êtes d'accord pour dire que là, c'est en gros ce que disait Juliette, hein, je ne fais que paraphraser. Alors, du coup, Juliette, on continue. Ah, Astrée est avec nous, salut Astrée. Deuxième question, experte Juliette, quel est votre principe préféré en toxicologie? Mon principe préféré. Alors pour moi, la toxicologie, je pense que c'est assez important de dire exactement quels sont les ingrédients dans un produit et aussi de rappeler les risques de chaque ingrédient. Je pense que c'est ça ce que veut dire le mot toxicologie sur un produit de beauté. Et je pense qu'il faut pas abuser de faut pas abuser Des bonnes bah, des choses. produits. Faut... Non, mais des produits, il faut pas trop en mettre sur soi-même. Je pense que ça peut être toxique ou faut éviter si on a des allergies tout ça. Ou faut peut-être pas aussi mélanger plusieurs produits différents à la suite. Je pense que, enfin, j'imagine que c'est à ce que regroupe le terme toxicologie. En fait, vous êtes plutôt, vous prenez une cosmétique minimaliste, si je comprends bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Écoutons ce qu'Astrée a à nous dire. Salut! Mais est-ce que quand j'en rajoute. Salut Astrée, Ouais, je Steven. rejoins un peu la logique de Juliette. Effectivement, la toxicologie, peut-être que la dose fait le poison ou quelque chose comme ça. Donc, non, peut-être. Oh, bien joué Steven. C'est une phrase que j'entends souvent. Alors, je ne sais pas si t'as tapé sur Internet ou si tu as vraiment déjà entendu ça, peut-être même aussi pour d'autres domaines que la cosmétique. Bah, Il a la dit prochaine fois, on devra la dose, faire c'est le expert poison. Steven. Oui, la dose et le poison, c'est un des préceptes, on va dire, en toxicologie. En général, plus tu consommes ou plus tu es exposé à l'ingrédient toxique, on peut parler de poison. Tu vois, si l'exposition est infime, le danger ne va pas être le même. Et justement, ça me fait une très bonne transition parce que Marie Dellinger, toujours, donne un exemple assez frappant par rapport à ça. Elle donne l'exemple du lion, qui est un véritable danger pour l'homme, bien sûr. Et s'il est dans une cage, en fait, et que l'homme en question vient dans ce zoo une fois par an seulement, l'exposition est faible. Et donc, le risque va être minime. Et avec les produits de beauté, voilà, c'est pareil, puisque elle, en tant que consultante experte en communication scientifique et en réglementation, elle trouve dommage qu'aujourd'hui, on s'alarme à la moindre présence d'ingrédients classés rouges dans les applications type Yuka ou NC Beauty, parce que finalement, sur un produit rincé, par exemple, comme le shampoing, qu'on utilise en plus pas tous les jours, et bah, l'exposition à la formule est en fait faible. Donc, le risque pour elle est faible si jamais il y avait un ingrédient controversé, entre guillemets. Et du coup, elle rappelle en plus que la réglementation européenne est très stricte et que pour mettre un produit sur le marché, les entreprises doivent passer des tests auprès d'un expert, toxicologue par exemple, indépendant, qui engage sa responsabilité quand il délivre cette autorisation de vendre le produit. Bref, on se rejoint là encore, Juliette, hein, parfait, je suis contente, j'arrive un peu à suivre votre technicité. Steven! En fait, j'ai dû regarder des vidéos sur le sujet, mais il y a longtemps, c'était sur rien à voir, peut-être de la radioactivité ou des trucs comme ça. En fait, je suis très curieux, je me documente sur tout un tas de choses, donc ça a dû passer comme ça. D'où ta présence assez régulière ici, Steven, parce qu'on a compris que de base, ce n'était pas forcément ton sujet préféré, mais tu aimes bien en apprendre tous les jours, c'est bien. Et du coup, tout comme l'experte Juliette, hein, bien sûr, qui est quand même spécialisée, on doit le dire, dans le domaine de la beauté, hein, vous l'entendez depuis tout à l'heure. Du coup, Juliette, pour ou contre la standardisation industrielle pour un produit de beauté? Alors, j'imagine que la standardisation déjà d'un produit de beauté, c'est le fait de d'enlever la marque en quelque sorte, qui est un peu les mêmes emballages pour tous les produits. Genre que des produits bah, sans vraiment de couleur, sans de tout l'effet marketing dessus. J'imagine que c'est ça. Et si c'est ça, bah, je suis pour. Parce que j'imagine que ça fait baisser. Les prix des produits, vu qu'il n'y a plus tout ce qui est packaging, qui en soi ne servent pas à grand-chose. Donc je pense que ça peut être bien. Alors ok, ce serait peut-être un peu triste pour nos yeux, mais si ça permet de réduire les coûts et du coup les prix, why not? Donc c'est l'aspect neutre pour vous, c'est ça, hein? Oui. Si je comprends bien. C'est le fait que tous les flacons soient neutres et tout soit quasiment identique en fait. Voilà. Prisme très intéressant. Qu'en pense Steven? Mon cerveau ne sait pas répondre à cette question. Je pense que je me fierai à l'avis de l'experte. Oui, bah, c'est mieux, Steven. Hein. Dans l'ensemble, je pense que c'est toujours la bonne solution. Si je peux ajouter une petite précision à ce discours passionnant que vient de vous raconter Juliette, la standardisation industrielle, c'est l'utilisation de machines pour produire de façon automatique et normée en plus grande quantité. Voilà, tu l'as juste un Voilà. petit peu mieux dit que moi. Voilà. Oui, enfin. Et tout ça est très subjectif, évidemment. Marie Voilà. Délanger explique, toujours Marie Délanger, que en fait, ce passage à la production de grande échelle, ça va nécessiter des tests parce que les micro-organismes, en fait, peuvent être plus nombreux et la texture peut changer, par exemple, quand on passe d'un format éprouvette à une énorme cuve ensuite. Et surtout, elle insiste sur le fait que la transposition industrielle a des avantages. Ça permet, par exemple, de garantir la qualité du produit à toute période de fabrication, quel que soit le flacon acheté. Alors que finalement, si on fabrique un produit dans sa cuisine, il y a beaucoup d'aléas qui vont entrer en jeu. Peut-être qu'on va se tromper un jour. Enfin, voilà, tout l'aléa humain disparaît avec cette standardisation. Mais ce qu'elle déplore, du coup, Marie Délinger toujours, c'est que la standardisation est mal vue, alors qu'elle permet, voilà, l'optimisation, la suppression de postes aussi parfois ingrats, par exemple de remplissage de peau, ce genre de choses. Bon, enfin bref, je ne fais que développer vos propos encore une fois. Mais en tout cas, Marie Voilà. Délinger, j'ai bien aimé son approche parce que, vous le savez peut-être, je m'intéresse à toutes les valeurs, voilà, clean beauty, naturelle, slow cosmétique, etc. Et là, c'est une experte, hein, qui a vraiment une carrière dans le secteur et tout, qui a plutôt un discours qui essaye de faire prendre du recul en fait sur toute cette obsession entre guillemets du bio, du naturel et du le fait que parfois on ait des cro la croyance que tout est forcément mieux dès que c'est naturel, alors que parfois ça peut même être plus dérangeant pour l'écologie puisque on va utiliser toutes les ressources au niveau d'un ingrédient et du coup il va même plus y en avoir ou voilà, elle essaye de un peu mettre ça en balance. Bonsoir, bonsoir Kira, pardon. Alors, expert Juliette, voilà, vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet ou... Non, Non, non. Bah, je suis toujours pour, hein. Oui. Et du coup, j'ai évoqué la slow cosmétique. Hein. Est-ce que vous, avec vos mots d'expert Juliette, vous pouvez clarifier le concept une bonne fois pour toutes, pour tous ceux qui nous écoutent ce soir? Ah, pardon, on va juste écouter les commentaires avant. Excusez-moi de vous couper. Hein. Cri-cri. C'est vrai que ça me paraît un peu dommage de plus pouvoir se référer à son produit de beauté préféré, sa marque préférée, qui a fait ses preuves, etc. Donc la standardisation, bof. D'accord, le critère du prix, c'est important, mais pour moi, c'est pas le plus important en matière de beauté. Ah, donc cri-cri, vous avez, si je comprends bien, la même définition que... Initiale que Expert Solène. Pour vous, C'est ça. la standardisation, cri-cri, c'est de rendre, d'uniformiser en fait l'offre de cosmétiques. Ok. Donc, en fait, la standardisation, hein, c'est le fait qu'au sein d'une entreprise, on décide de passer de l'étape je fais moi-même mes petits pots dans une cuisine à la main à l'utilisation de machines pour pouvoir faire en plus grande quantité pour les clients. Steven? Effectivement, quand on a la définition, on comprend un peu mieux, c'est vrai. Astrid? Peut-être mettre Cricri aussi en expert parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Je crois qu'il y a un beau, une bonne Du potentiel. challengeuse. Ouais. Comment? Il y a du potentiel là. Ouais. Et ah, voilà, donc la slow cosmétique, on y revient, Juliette, voilà, avec vos mots à vous. Salut Sophie, avec vos mots à Alors, la vous, slow comment cosmétique. nous l'expliqueriez, s'il vous plaît? On peut définir ça comme de la cosmétique lente. Non, non, je rigole. Non, on peut définir ça comme... c'est les produits de beauté qui vont faire en sorte d'avoir des ingrédients non nocifs pour la santé ou pour l'environnement. On va écouter le commentaire de Cricri. Je suis tout à fait partante pour participer à une émission, hein, quel que soit le thème. Il suffit de me solliciter. Merci beaucoup, Cricri. Très bien. On y pensera en 2023. Je plaisante. Du coup, oui, d'accord, Juliette. Donc, vous avez fait une petite blague avec le fait que ce soit une cosmétique lente. Alors, en l'occurrence, c'est l'étymologie hein, véritable de cette expression qui voudrait qu'on retourne un petit peu à un mode de vie qui soit moins dans le fast. Tout comme il y a eu l'émergence il y a quelques années de la slow food vs le fast food, et ben là, c'est un peu le parallèle qui a été fait avec la création de la slow cosmétique. Alors, on va écouter. Salut Léa, Astrée. Le problème, c'est que pour Cricri, il faudrait attendre un 1er avril parce que sinon ça va pas marcher. Steven. Du coup, si c'est lent, j'imagine que ça doit pas être très rapide. Ouais. Merci Effectivement. Steven. En effet. Donc en fait, le principe, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à un peu enchaîner, à être dans une société de consommation. Hein. C'est comme d'habitude l'expression qu'on utilise. Donc, en fait, en ce moment-là, je lis le livre Adopter la slow cosmétique, justement, de Julien Québec, qui est le fondateur du mouvement. Et je vais vous lire un passage de ce livre que j'ai trouvé assez frappant pour expliquer tout ça. Mais d'abord, on va écouter les commentaires. Astrée. Alice, c'est Sam, est-ce que je peux être le prochain invité? Avec plaisir, Sam, quel sujet t'intéresserait? Léa? Bonjour Alice et Juliette. Alice, est-ce que tu peux me prévenir quand il faut participer parce que j'écoute pas? Là, Prévenir on a rapidement. des petits. Comment? On est censé la prévenir comment? Je crois que c'est un peu la blague des petits trolls. Cri-cri. Je ne sais pas ce que recouvre cette ironie à peine déguisée. Ouais. Ah, non, heureusement que c'est le 1er avril, tout est acceptable aujourd'hui. Alors voici le passage du coup. Le marketing cosmétique nous conditionne à une quête un peu folle du produit miracle, en créant une frénésie de l'innovation, du pseudo-scientifique et de la consommation. Là, c'est l'impact sociétal qui est en jeu. On nous fait croire que les cosmétiques sont capables de nous garantir une jeunesse éternelle et qu'ils sont toujours plus innovants. Or, en termes d'effets tangibles et visibles à l'œil nu, il n'en est rien. Qu'est-ce que vous en pensez, expert Juliette, de ce passage? Oui, ça fait réfléchir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Astrée? J'aimerais bien qu'on fasse une petite interview sur beauté et cyclisme, si ça te va. Intéressant, intéressant. Donc tu t'es mis au vélo du coup, Samuel, si je comprends bien. Oui, ça sera passionnant. Chers auditeurs, dites-nous si ça vous intéresse un tel thème. Voilà. Du coup, expert Juliette, Moi, je oui, crois que je ne vous serai pas là voyez. ce jour-là. Ah mince, vous avez J'aurai quelque un chose de empêchement, prévu. désolé. Ouais. Une autre interview. Léa? Interview. Ouais. Je ne sais pas si on doit donner aussi notre avis, mais je suis à moitié d'accord. J'ai l'impression que c'est vrai pour pas mal de produits, on nous promet des choses, mais j'ai l'impression qu'on tend vers la vérité. Voilà. Merci Ah Léa. ouais, je suis En totalement fait, je d'accord avec pense. elle. Ouais, pertinent. Je pense que ce qui est sous-entendu, c'est finalement que l'industrie cosmétique, le principe, c'est quand même toujours de nous entraîner vers des rêves qui sont finalement inaccessibles, à moins de dépasser le cadre cosmétique. Mais un produit cosmétique est censé être un produit d'embellissement de surface qui va agir en surface. Donc, par définition, il ne peut pas transformer une personne. Et du coup, c'est un peu le paradoxe, c'est que toute la publicité et le marketing nous font miroiter des effets miracles d'une nouvelle molécule incroyable qui a été découverte, etc. Alors qu'en fait, comme. Je reprends sa dernière phrase. En termes d'effets tangibles et visibles à l'œil nu, il n'en est rien. Cri-cri. J'aurais préféré, moi, beauté et trottinette, mais bon, s'il n'y a que cyclisme, pourquoi pas. Ah ouais, d'accord. Trottinette, cyclisme. On va faire un petit débat sur Instagram. Astrée, Non, ou non, pas le du sujet tout? m'intéresse juste parce que je suis devenu une pédale. D'accord. D'accord, Léa? Enfin, je rectifie, j'ai l'impression qu'avec le temps, on est obligé d'être de plus en plus. De plus en plus transparent sur les matériaux, enfin les produits qu'on utilise, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, la slow cosmétique surfe sur cette envie-là, finalement. Enfin, non, surfe, c'est un peu négatif, alors que ça, c'est plutôt un mouvement qui a envie d'éclairer et d'inciter les gens à rejoindre cette philosophie de vie, de se dire qu'on peut consommer moins et mieux. Et du coup, je continue avec une autre citation, toujours Marie Délinger, qui, elle, a dit une phrase que j'aimais bien. La cosmétique est l'outil pour répondre à des injonctions sociétales. Donc, quand parfois on accuse l'industrie de créer les complexes, en fait, des obsessions, en fait, pour elle, c'est plus qu'on attend de l'industrie des produits de beauté de répondre à ce que la société crée comme injonction et modèle. Ça, vous en pensez quoi, experte Juliette? Oui, je suis totalement d'accord. Les injonctions sociétales, ça vous évoque quoi? Les, pardon? Les injonctions sociétales qu'évoque Marie Bélanger. Bah, c'est vrai que la société peut nous donner le sentiment qu'on se sent obligé de faire certaines choses. Oui. Eh bien, écoutons Steven. Tout n'est que fumisterie finalement. Ah. Dans le monde de la mode. Ah. De la mode et de la beauté. Cri-cri. Je suis un peu choquée du niveau que prend cette émission. Ah, navré Cri-Cri, tu as raison, il faut. Je vais bloquer un ou deux auditeurs mal intentionnés. Steven? C'est vrai, je suis d'accord aussi. Par rapport au fait qu'effectivement, on crée des produits, non pas pour imposer un modèle, mais plutôt répondre à un besoin qui découle d'un modèle déjà en place, sûrement. Mais j'imagine qu'il y a quand même des gens qui poussent vers ce modèle-là pour continuer à faire vendre. Peut-être. Oui, en fait, y a un peu deux voies aujourd'hui qui s'opposent. On ne peut pas complètement tourner le dos à la cosmétique conventionnelle, donc à laquelle s'oppose la cosmétique biologique, naturelle. Et en même temps, beaucoup de personnes commencent à s'intéresser à de nouvelles valeurs. Hein. C'est sûr, Peut c'est ce faire un mélange des qui est deux. intéressant. Oui, c'est vrai que c'est le plus confortable aussi pour nous parce que c'est on ne peut pas trouver non plus tous les produits, peut-être avec les Pas mêmes encore aujourd'hui, ouais, répondant à j'imagine. nos attentes. Ouais. Et c'est sûr, voilà. Il y a un équilibre à trouver, mais en tout cas, ça l'offre s'agrandit et s'améliore sans doute. Astrée? Ce qui est bien, c'est que là, tu donnes des vrais conseils, tu dis pas des banalités. Je ne sais pas à qui Astrée s'adresse. Le problème, c'est que si tu bloques un ou deux auditeurs, bah, vous serez deux, quoi. Bon, qui vote pour qu'on bloque Astrée? Alors, du coup, on va continuer. Hop, la question suivante. Experte Juliette. Je suis toute oui. L'activité de facialiste, est-ce que ça vous tenterait, experte Juliette? Deux, pardon. Facialiste. De facialiste. Ah, excusez-moi, c'est moi qui dois mal m'exprimer. De facialiste. Facialiste, hein, c'est ça? Facialiste. Si vous voulez, on peut jouer le commentaire d'Astrée le temps que vous répariez vos écouteurs. Moi, C'est si un on bloque, oui. je pourrais passer ma soirée tranquille, puisque j'ai été forcée à participer. Alors, du coup, l'activité de facialiste. Attends, je crois que sans faire exprès, j'ai changé de conversation. Je vais faire annuler. Non, Expert c'est bon. Juliette? Vous Expert m'entendez? Juliette? On vous entend, on vous entend. Ok. Facialiste, oui. Vous C'est êtes quoi sur plusieurs la conversations en même temps, hein, c'est ça que je vois. question par rapport Tellement, tellement polyvalente. La question par rapport à facialiste, pardon? L'activité de facialiste, est-ce que ça Oui. pourrait vous tenter? Ah, donc le fait de. Comment dire? De dire à quelqu'un quel maquillage lui irait le mieux, c'est ça? Quand on regarde Pourquoi son pas? visage, on se dit, ah, peut-être ce rouge à lèvres là, ce mascara là, cet eyeliner là. Ouais, j'ai un bon vocabulaire. Est-ce que ça me tenterait? Oui, je pense que je serais plutôt douée là-dedans. Bah, tiens, expert Juliette, je vais me permettre de profiter immédiatement de vos conseils et de, voilà, de votre expertise, encore une fois. Moi, que vous Oui. connaissez, hein, on s'est vu récemment physiquement, qu'est-ce que vous me conseilleriez? En tant que facialiste? Exactement. Alors, je dirais un petit rouge à lèvres qui tend vers le rouge, mais pas trop. Petit, plutôt. Comment? C'est important qu'il soit petit. Oui. Ensuite, pour les yeux, je dirais un moyen mascara. Avec du. D'accord. Non, je rigole. Non, sinon, un petit. Enfin, pardon, je dis toujours petit. Fard à paupières. Je dirais dans les marrons. Marrons qui tirent sur le kaki. Et peut-être une petite touche d'eyeliner. Genre un petit trait d'eyeliner. Qui dépasse un petit peu de l'œil. Merci Voilà. pour ces conseils complets. On va écouter nos auditeurs qui doivent être estomaqués et subjugués par tant de précisions. C'est un mode. Peut-être faire un live experte Juliette et technologie. Technologie. Steven? Oui. Ouais, carrément, j'imagine bien un. Mais dis donc, cette crème irait parfaitement à vos teints et ravirait votre faciès. Voilà. Génial. Exactement. Cri-cri. Ça doit être très intéressant, un peu comme visagiste et comme j'envisage une reconversion professionnelle, pourquoi pas? Comme j'envisage. Beau, beau, ouais. Beau jeu de mots avec visagiste. Astrée. Ouais, tu connais pas les nouveaux petits rouges à lèvres, c'est une nouvelle gamme. Le problème, c'est que c'est peut-être un peu trop innovant pour Alice, tous ses conseils, Juliette. C'est vrai. Tu es un petit peu avant-gardiste. Je n'osais pas vous le dire, je me sens un peu dépassée là. Je sais que je vais devoir faire beaucoup de recherches après ce live, mais c'est aussi ce qui est super excitant pour moi, c'est de m'enrichir toujours davantage en termes de connaissances de mes invités. Steven? En tout cas, ça doit être difficile à dire au mariage quand on te demande ta profession ou quand on énonce ta profession. Là là. Eh bien, alors pour donner un petit angle un petit peu différent, pourquoi pas, la facialiste, c'est bien l'experte en soins visage, hein, c'est une activité qui se développe beaucoup sur les réseaux notamment, pour donner des conseils précis sur l'entretien de la peau, sur les produits de beauté à utiliser, voilà, pour prendre soin de sa peau. Donc on est d'accord, Juliette. Experte Juliette, en fait, question un peu plus personnelle, mais je me permets quand même de vous la poser, parce que là, je sens une certaine alchimie qui me permet de vous demander quel est votre secret pour un teint si jeune? Je mets de l'eau micellaire sur le visage matin et soir. Ah! Et le fait d'avoir des grosses joues, ça aide aussi. Ça enlève les rides. Quoi, expert Juliette, vous êtes en train de nous avouer que vous avez eu recours à la médecine esthétique pour gonfler vos joues? Non, juste à la bouffe. Ah, à la slow food, j'espère. Ouais, plus ou moins. D'accord. Alors, voyons voir ce qu'en pense Cricri. Moi, on me demande souvent comment je fais pour faire 10 ans de plus. Donc, si vous voulez tous mes secrets, n'hésitez pas à m'interviewer. Attention, Cricri, on a fait ensemble un live sur limiter, réduire Les rides. les rides. Donc, si tu dis ça maintenant, ça va complètement décrédibiliser Ah, mais du coup, je me Steven. demandais quelle est la différence avec un dermatologue, car le dermatologue aussi peut donner des conseils en beauté, même si il y a un côté médical bah, très présent. C'est un docteur. Très, très bonne question, Steven. Et ben, je vais donner mon éclairage sur la question que j'ai posée à Juliette, et ça va peut-être répondre en même temps à ta question. On écoute juste Astrée avant. Une telle communauté, il ne faudrait pas être décrédibilisée quand même. Oui, bah oui, je sais que Astrée attend beaucoup de ma crédibilité, donc je ne veux pas qu'elle se sente lésée et déçue. Ah mince, ça rebondit. Astrée s'exprime encore. J'ai une question, malgré l'anonymat, est-ce que c'est pas trop difficile de se reconnaître dans la rue, Alice? Ah, ça, j'en parlerai Astrée lors de notre interview ensemble le 11 avril. Vous écouterez, s'il vous plaît, mes notes vocales pour en savoir plus sur le sujet, chère Parce Astrée. qu'il y aura un Alors, poisson d'avril. Non, pardon. non, ce ne sera pas un poisson d'avril. Nous allons, j'en parlerai en conclusion, mais nous allons faire une émission spéciale très bientôt pour Ah, l'anniversaire de Beauté Imagée. hâte Alors, d'en maintenant, savoir plus. je vais vous donner la réponse réelle de la facialiste Chloé Capdeville. Elle a été formée à l'Académie des facialistes et elle a été interrogée par le site Avenue Californie. Elle répond: mon secret pour avoir un teint lumineux, c'est l'automassage et l'hydratation. Le plus important, c'est d'être attentive et de savoir écouter les besoins de sa peau. Être douce envers sa peau, c'est la clé. Et sur son compte Instagram, elle explique, je cite toujours, l'objectif du massage facial, c'est de détendre les nœuds qui sont créés au niveau des muscles de notre visage. On ne réalise pas, mais on a 46 muscles sollicités au quotidien sur notre visage. Et on crée en fait des rides d'expression qui font finalement des petits creux. Et le massage va détendre la fibre musculaire pour que la ride s'estompe au fur et à mesure et que tout reprenne sa place. Est-ce que ça vous éclaire un peu, expert Juliette? Ouais, j'étais justement en train de me masser les joues là pour voir ce que ça donnait. En tout Et cas, donc, je suis d'accord que ça peut détendre. Enfin, moi, je vois bien, dès que je commence un peu à stresser, je sens que j'ai la mâchoire un peu crispée. Ah oui, Donc, ouais, d'accord. j'imagine qu'un. Enfin, si on se faisait masser tous les jours, peut-être que Oui. on se sentirait un peu plus détendu. Alors, c'est sûr que la mâchoire, ça va être un peu plus interne, alors que là, on parle plutôt Oui. de rides. Hein. C'est vrai. Donc, en fait, comment vous dire que ça n'a aucun rapport, mais. Du coup, pour rebondir sur la question de Steven, en effet, la facialiste est plutôt une esthéticienne spécialisée dans le soin visage et dans le massage du visage parce qu'on se rend compte, et c'est ce que je trouve vraiment intéressant avec ce thème du massage visage, que tout n'est pas dans le cosmétique qu'on utilise finalement, mais que des pratiques comme celle du massage, voilà, du visage, vont aussi avoir une action anti-âge, entre guillemets, pour limiter les signes du vieillissement cutané. Et du coup, je pense que je vais essayer de lui demander si ça l'intéresse de faire un live. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs, mais je trouve que ça serait intéressant d'avoir quelques astuces, La vu que j'ai trouvé facialiste. son... Oui, la facialiste que j'ai citée, là, qui a un compte Instagram où elle montre des astuces Moi régulièrement. ça m'intéresserait, ouais. Oui, de savoir un peu quel geste adopter en fait. Parce qu'apparemment, quand on applique notre produit crème ou huile végétale ou autre, ça change tout de faire des mouvements précis, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, hein, pour bien ouvrir D'accord, oui. le visage et aider la peau à aller dans le bon sens. Et du coup, voilà, c'est toute une technique et il y a toute une formation par rapport à ce métier, à cette activité-là. Donc bon, Bah alors, on en tout verra. Je vais tenter ma chance. cas, depuis quelque temps, quand j'applique ma crème anti-rides, et bah justement, je me Ah. masse un peu les joues, là où Oui. il peut y avoir les premières rides. Parce que oui, même moi, D'accord. j'ai des rides. Ah. Et Ouais. oui, j'ai capté, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, ah, si ça se trouve, si je masse en même temps en mettant la crème, ça va faire un petit quelque chose. Et Ouais, je mais pensais oui, pas totalement. avoir raison. Ah bah toujours, toujours Juliette. Qu'en pense Steven? Ouais, du coup, je pense qu'il faudrait inclure ça dans le programme scolaire et apprendre aux gamins à se masser le visage. Comme ça, ils prennent les habitudes directes à la primaire. C'est une bonne idée, ça. C'est vrai, parce que 7 heures du matin. voilà, les rides commencent de plus en plus tôt. Donc, ouais, je pense qu'il faut sensibiliser. Cri-cri! Est-ce que c'est bien ça? Moi, je masse mon visage de haut en bas tous les jours, matin et soir. Est-ce que c'est pour ça que j'ai un teint frais? De haut en Alors, bas. de haut en bas, c'est-à-dire, cri-cri, parce que Je là, crois que c'est comme pas le ça, bon mouvement. ouais, c'est plutôt de bas en haut, théoriquement, puisque le but, c'est d'aller à l'encontre, à l'inverse de la gravité. Donc, ce serait de bas en haut et du milieu du visage vers l'extérieur. Mais bon, peut-être qu'un jour, Chacun une son truc, hein. invitée spécialiste nous en dira plus. Mais après, chacun, voilà, chacun ses goûts. On est pour Chacun une... ses rides. Voilà, chacun ses rides. Cri-cri. Ah mince, bah je comprends tout maintenant. On m'a dit l'inverse. Oh, quel beau jeu d'acteur! Un cri-cri. César, Astrée. Cri-cri, si depuis 50 ans vous faites la même chose, ça va être compliqué Mais de qu'est-ce que je lui ai dit? rattraper tout ça. Attendez, je propose de réécouter la performance artistique de cri-cri. Ah mince, bah je comprends tout maintenant. On m'a dit l'inverse. Beauté et acting. Astrée. Est-ce que Cricri aurait demandé des conseils à Juliette pour faire cette technique? Peut-être. Ça aurait été digne d'une Juliette. Alors, Astrée. Une reconversion actrice pourrait être pas mal, je pense. Du coup, parlons maintenant un peu de cheveux, expert Juliette. Je sais que c'est un sujet aussi que vous maîtrisez parfaitement. Quel est Totalement. votre avis? Est-ce que juste, chers auditeurs, est-ce que vous entendez un bruit autour de Juliette, peut-être? J'entends un petit bruit, comme s'il y avait un écho, peut-être. Je veux juste savoir s'il n'y a que moi, et dans ce cas-là, ce n'est pas dérangeant. Je pose Astrée. Je crois même que Juliette se lave les cheveux de temps à autre. Juliette se lave les cheveux de temps à autre. Ah, un scoop! Donc, Astrée vous connaît, expert Juliette, je vois. Du coup, quel est votre avis sur le hair detox? Le air détox. J'entends Donc plus de c'est. bruit Ah. côté Astrée que côté Solène, moi. Ah bah tant mieux, tant mieux. Parce qu'elle est dans un bar. C'est clair. Alors le air détox, j'imagine que c'est le fait de ne pas se laver les cheveux pendant un moment. Genre comme faire un jeûne, mais version shampoing. Alors mon avis là-dessus, j'en ai jamais fait, mais je pense que ça peut être bien, oui. Mais genre, enfin, faudrait faire ça en période de confinement. Enfin, moi personnellement, je ferais pas ça si je dois aller au taf ou n'importe où avec des cheveux dégueux, voilà. Mais sinon, oui, ça peut Donc, en fait, être ce que vous êtes bien. en train de nous dire, c'est que on pourrait peut-être demander au gouvernement de d'organiser un nouveau confinement pour qu'on puisse tester cette technique d'avoir des cheveux sales. Non, mais je me dis, ça peut être bien, mais je le ferai pas hors confinement. Bref, je pense que oui, why not? Histoire de purifier le crâne. Et dans une grotte pour avoir une peau plus que parfaite. Je connais une version peut-être assez accélérée de l'air détox, c'est la boule à Z, autrement dit le rasage intégral. Il me Ah semble que oui. ça va plus vite que toute autre forme de traitement. Et c'est une manière d'abandonner direct. Ah, c'est une bonne technique, ça, experte. Je pense, Juliette, est-ce qu'un confinement sera... J'ai un problème, je ne comprends pas tout ce que dit Juliette. Est-ce qu'il y a un traducteur? Tu En rigoles, plus, mais je coupe la parole de Juliette. oui, Comment? ce serait mon rêve, entre guillemets, de me raser la De tête juste, plus avoir de cheveux? juste une fois. Non, mais pas, bien C'est-à-dire? sûr, en enlevant l'aspect esthétique, hein, bien sûr. Ah, je croyais que c'était central dans ta démarche. Non, mais parce que c'est. Enfin, moi, j'ai beaucoup de cheveux, ils sont assez épais et ils sont toujours très longs et c'est vrai que c'est lourd au quotidien. Ouais, oui, je comprends. D'accord, beau rêve. Steven. Pas de demi-mesure, part de zéro. Je pense que c'est une bonne méthode. Ouais, au moins, ouais, c'est efficace. Why not? Vous avez vraiment du vocabulaire. Quelles études vous avez fait, Juliette, pour avoir un tel vocabulaire cosmétique? Cri-cri, le problème, c'est le vocabulaire qui est très recherché et donc c'est difficile à comprendre pour le commun des mortels. Alors, expert Juliette, vous pouvez nous éclairer un peu sur votre formation beauté? Ma formation beauté, ouais. J'ai fait une licence d'économie dans laquelle j'ai vu plein de choses concernant la beauté, oui, effectivement. Et ensuite Oui. un master data analyst. Voilà, donc D'accord. comme vous le comprenez, la beauté est au et dans mon quotidien. Est au cœur de votre Et quotidien. voilà, est au Ah cœur de oui. mon quotidien. Ah, je le vois bien. Très bien. Alors, du coup, figurez-vous, chers auditeurs, que la réponse que moi j'ai trouvée sur Internet et pour un peu compléter la proposition de Juliette est très proche, cette fois-ci, pour la première fois depuis le début de l'émission, de la proposition de Juliette. Donc, bien joué Juliette, Incroyable. Ah ouais, là, ça va pas. La journaliste beauté, Pense que ça Cécile va trouver Guerrier. le taquet à certaines. Cette experte cheveux, Cécile Guerrier, elle est auteure du cahier Hair Beauty pour gérer ses cheveux. Et du coup, elle répond, je cite, on dit tout et souvent n'importe quoi avec le terme détox. Une vraie détox du cheveu, consisterait à ne pas les laver ni appliquer aucun produit pendant plusieurs jours pour les laisser au repos. C'est le fameux no-poo, une technique pas si folle que ça, qui s'avère bénéfique pour les cheveux, surtout s'ils sont gras ou à pellicule. Détoxifier n'est pas juste nettoyer avec un shampoing, c'est aussi réoxygéner, reminéraliser, éliminer cellules mortes et microparticules avec des produits 100% naturels ou bio. Chers auditeurs, est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça de ne pas se laver les cheveux pendant plus de jours que d'habitude Mais alors, pour un peu faire renouveler les cellules? Oui, Juliette? elle dit juste plusieurs jours. C'est pas tant que ça au final. Moi, je pensais que c'était encore plus que ça. Après, oui, c'est pas très précis, mais Parce que pour si moi, c'est c'est au ça, moi, moins je une le fais semaine. souvent. Ouais, vous êtes dans une démarche globale de détox, de hair détox, c'est ça? Démarche globale de flemme, ouais. Alors, comment ça se traite 3 fois de suite? Analyse de données cosmétiques, du coup, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ah, pour vos études, n'est-ce pas, Juliette? Précisément. Ah oui, compléter, c'est le terme. J'aurais même employé le terme peaufiner ou perfectionner. Oui, c'est joli aussi. Ouais. Steven? Alors moi non, personnellement, j'ai toujours lavé mes cheveux de manière régulière, mais j'ai des potes qui l'ont fait sans pour autant être dans cette démarche-là. Le résultat est assez surprenant, notamment en été. Positivement alors, j'imagine. Est-ce qu'ils avaient les cheveux plutôt longs ou plutôt courts? Cri-cri. Régulièrement, je fais des expériences. Oui, je laisse passer une journée de plus pour me laver les cheveux et je trouve que ça leur réussit bien. Ah, Je crois qu'elle est dans la même démarche que moi. Mais est-ce que ton entourage trouve que ça te réussit bien, Non, mais oui, en effet, c'est une démarche intéressante parce que l'abus de cosmétiques n'est pas forcément la clé. Steven? Il y en avait un, il avait les cheveux plutôt longs, extrêmement gras. Et c'était un enfer. Voilà. Ah, d'accord. Ok, donc lui, c'est la flemme aussi qui l'avait motivé. Astrée? Je laisse passer une journée de plus par flemme. J'ai rien compris. Je laisse passer une journée de plus par flemme. Cri-cri. Mon entourage me suit bien sûr et me fait une confiance aveugle là-dessus. Ah oui, Bien je entendu. comprends. Comment? Bien entendu. Oui. Astrée. En général, Cricri, quand elle prend des photos de ses cheveux, c'est vraiment bien pris et on voit qu'il y a plus de volume et plus de clarté. Ah, donc Astrée a eu déjà l'honneur de recevoir une photo de Cricri pour confirmer tout ça. Ok. Eh bien, du coup, personne n'a essayé apparemment. Bon, bah, en tout cas, Moi, avec cette t'inquiète, j'attends le interview. prochain confinement et je vous dirai. Ouais. En tout cas, avec cette interview de Cécile Guerrier, on voit clairement qu'elle avait pompé vos techniques hein, avant son interview hein, pour se donner sans doute un peu de courage, expert Juliette. Bon, vous Ouais. devez être habitué, Ça arrive ça ne vous souvent, choque plus, hein. bah, maintenant, je le prends plutôt bien. Je me dis, ah bah. C'est une sorte d'hommage. Je Ouais, oui, c'est la bonne philosophie. C'est normal que les personnes plus expérimentées transmettent aux nouveaux Bah, venus c'est ça. professionnels ou autres. Plutôt généreuse Astrée? pour ça. Ah, d'accord. Souvent, son visage est mis en valeur et on Avant tout, voit les qu'elle réseaux en fait japonais, 10 mais à 20 ans de moins. D'accord, on aimerait beaucoup voir une Ouais. des photos de Cricri. Alors, experte Juliette, quelle routine cheveux vous recommandez? Quelle routine cheveux? Donc tous les jours ou au moment où on prend un shampoing? Plutôt quand on prend un shampoing. Eh bien, aller sous la douche, mettre de D'accord. l'eau dans les cheveux, Ah. masser le crâne, surtout quand on a beaucoup de cheveux. Ensuite, appliquer le shampoing normal sur le haut du crâne et masser le haut du crâne avec le shampoing. Ensuite, alors si on a le temps et pas la flemme, c'est bien d'attendre quelques minutes avant de rincer le premier shampoing. D'accord. Ensuite, donc, on rince. Et ensuite, ben, après shampoing, mais sur les pointes de cheveux. Ah. Pas à la base du crâne, surtout pas. Mmh. Et on attend quelques minutes, si on peut. Puis on rince. Et On rince après, combien de fois? J'ai perdu le fil. en tout, 3 fois. D'accord. Et ensuite, le mieux est de laisser sécher à l'air libre. Ah. Vous êtes plutôt contre tout ce qui est sèche-cheveux, séchage Exact, artificiel. exactement. Écoutons Steven. En tout cas, juste pour conclure, il me semble que j'avais une collègue de boulot qui avait fait, qui s'était fait totalement raser les cheveux et juste pour repartir de rien. Ah Elle oui. était dans une démarche très purificatrice parce qu'elle faisait aussi une période de jeûne alimentaire. Elle ne mangeait pas pendant, je sais pas, un mois, je crois. Enfin bref, Oui. elle était vraiment là-dedans. Et du coup, concernant ses cheveux, elle les avait refilés à une association. Enfin, elle s'est fait couper les cheveux directement là-bas, qui après en faisait des perruques. Génial. D'accord. OK. Et est-ce qu'elle était encore vivante après son mois de jeûne, à la repousse? Est-ce que elle a évoqué le fait que ses cheveux étaient peut-être beaucoup plus brillants, etc. Ou pas du tout? Astrée? Quand on est chauve, c'est peut-être plus rapide comme routine shampoing. C'est clair. J'aurais dû demander ça à Expert Juliette. Que conseillez-vous comme Pour un routine saut. lorsqu'on est chauve? Cri-cri? J'ai pas pu prendre toutes les notes du rituel beauté de Juliette. Est-ce que c'est possible de le recevoir par mail? Ah, alors Juliette fait une newsletter beauté, donc on vous donnera les coordonnées, Cricri, bien sûr. Ouais, que j'envoie Alors, en... évidemment par mail parce que je trouve que c'est le plus moderne. Oui. En général, c'est vrai qu'une newsletter, c'est plutôt par mail, hein, c'est ça l'avantage aussi. Alors, Non, mais du coup... bon, bref. Ah, Steven répond. Alors, pour répondre à tes questions, ouais, bah, en fait, elle avait l'expérience du truc, elle le faisait une fois par an, donc ça allait, même si tu voyais des jours où tu te demandais si elle allait tomber. Surtout au début, en fait, où le corps il commence à s'adapter et perdre toutes ses toxines et tout ça. Et à la fin de son jeûne, en fait, elle était très maigre et t'avais de la peine pour elle. Sinon, D'accord. concernant ses cheveux, elle était pas du tout du genre à se soucier de ça, donc je pense qu'elle s'en foutait un peu, quoi. D'accord. Ok. Bon. Donc oui, c'était plutôt dans une démarche pour que ce soit sain, en fait, j'imagine, plus Ouais, que c'est pour la le santé rendu de tout. esthétique. Ouais. Du coup, ce que propose Cécile Garret, toujours experte cheveux, donc pour le site Simone Paris. Elle dit, j'ai toujours les mêmes réflexes. Masser le cuir chevelu avec une huile aux plantes avant chaque shampoing. Ensuite, masser le cuir chevelu avec une lotion fortifiante tous les jours. Faire un henné neutre tous les mois. Et Faire quoi, pardon? assouplir un henné Ah. neutre, c'est-à-dire pas colorant, tous Oui. les mois. Et assouplir à fond avec des soins hyper hydratants et disciplinants. Bon, clairement, elle n'en fait pas autant que vous, expert Juliette, mais on est Oui. déjà sur une bonne routine, hein. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. C'est... Ouais. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà essayé d'appliquer une huile sur le cuir chevelu directement? Moi, je l'ai jamais fait. Je me dis que en vrai, ça peut être une bonne façon de nourrir. Les cheveux indirectement, hein, parce que finalement, c'est tout part du cuir chevelu, pour pas dire le mot crâne que je trouve affreux comme mot en français. Cri-cri. J'apprécie le degré de précision des conseils et des apports de Juliette, vraiment. Bah oui, j'essaie de faire au maximum. Ah oui, c'est encore votre générosité qui parle pour vous. Exactement. Très bien. Vous avez déjà essayé l'huile sur le cuir chevelu, expert Juliette? Pas sur le cuir chevelu, mais sur les cheveux, oui. D'accord, plutôt sur la longueur. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que sur Si c'est après le shampoing, il faudrait surtout pas appliquer l'huile à la racine parce qu'on va complètement graisser le cheveu. Mais avant le shampoing, pourquoi pas laisser poser une huile végétale sur la tête vraiment pour que le crâne absorbe les nutriments. Pourquoi pas? Alors, nous enchaînons avec une question sur un type de cheveux précis, les boucles. Experte Juliette, pour éviter de casser les boucles des cheveux, tout se joue dès l'essorage, à ça on le sait. Que recommandez-vous? Pour éviter de casser les boucles, bah, je pense qu'il ne faut pas avoir les cheveux trop longs. Parce que je pense que quand on a les cheveux bouclés, s'ils sont trop longs, ça doit, comment dire, alourdir le cheveu. Et D'accord. du coup, un peu défaire les boucles. Donc je pense que si on a des cheveux bouclés et qu'on veut conserver ses boucles, il faut avoir des cheveux d'une longueur moyenne, on va dire. D'accord. Et pour ce qui est de l'essorage, ma question L'essorage, initiale. je dirais qu'il faut bah, ne rien faire, laisser sécher à l'air libre. Et ça veut dire que vous n'utiliseriez même pas de serviette en sortant? Bah, juste sur les épaules, histoire d'éviter de mettre de l'eau partout. Ah oui, Oui, Mais c'est c'est plus tout. sage. Voilà. Écoutons Steven. Je pense que pour l'essorage, il faut mettre la machine sur 1000 tours et mettre la tête dedans. D'accord. Est-ce que tu as une marque de machine à nous conseiller, Steven, s'il te plaît? Blague à part, moi mes cheveux ils bouclent à partir du moment où j'ai 5 à 6 cm vers là. Ça commence à boucler et là ça devient infernal. Dès Ah. qu'il y a un petit peu d'humidité, je ressemble à un mouton. Ah. Bah, voilà, il faut laisser mouiller du coup. C'est-à-dire? Histoire, bah, pour conserver les boucles. Oui, parce que mais je crois que Steven essayait plutôt de les fuir, mais il faut assumer tes boucles, Steven. Vous ne le faites, Juliette, que l'été ou l'hiver aussi? Ah, bonne question, Cricri. Ah, le fait de les laisser sécher à l'air libre? Oui, Exactement. je le fais toute l'année. Ah oui. Alors, nous avons une autre experte, mais celle-ci ciblée cheveux bouclés. C'est Céline, qui est une coiffeuse reconnue, qui a été championne France puis Europe même, et qui tient un compte Instagram qui s'appelle Les Bouclettes de Céline. Je cite son conseil pour l'essorage des cheveux bouclés. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une serviette pour essorer ses cheveux avant de mettre ses produits coiffants. J'essore les cheveux de toutes mes bouclettes avec les mains, en fait. On voit une vidéo où elle baisse la tête et elle utilise ses mains pour retirer l'excédent d'eau. Sur la vidéo, tu vois comment j'essore les cheveux avant de mettre les coiffants. En fait, j'encourage déjà la bouclette au moment où j'essore les cheveux en rapprochant la main du cuir chevelu à chaque fois pour que le cheveu soit déjà un petit peu replié au moment où elle essore. Quand tu scrunches, tu dois entendre le petit bruit de l'eau à travers les cheveux. Même pour celles qui appliquent le leave-in avec la brosse, elles doivent l'entendre quand elles appliquent la gelée en scrunching. De cette manière, tu es sûr de ne pas trop ou pas assez essorer tes cheveux. Qu'en pensez-vous, experte Juliette, de ce scrunch? Oui, il faudrait que je teste ouais, pour voir. Vous nous donnerez votre validation par la Bon, suite, dans ouais. votre newsletter peut-être. Voilà. Nous avons Qui dit vrai qui nous rejoint. Bonsoir. Un peu d'ambiance. Merci, Qui dit vrai, cri-cri. Ayant moi-même les cheveux bouclés, je sais que j'ai beaucoup de chance, je vais essayer de suivre ces conseils, oui, à la lettre. J'ai entendu aujourd'hui le pourcentage de, alors je crois que c'était femmes dans le monde qui a les cheveux bouclés. Expert Juliette, pour vous, c'est plutôt plus de 50% ou moins de 50% des femmes dans le Alors, monde qui ont les dans cheveux le monde, bouclés? Ouais, je vais dire plus de 50. Je sens que tu nous fais un petit piège là. Alors comme c'est spontané parce que j'ai entendu ce podcast de Beauty Toaster tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de bien peaufiner mon piège. C'est bien plus de 50%. C'était, je crois, les deux tiers peut-être des femmes dans le monde qui ont en fait les cheveux plutôt ondulés ou frisés ou crépus. Et ce Ah oui, qu'elles... mais là je pensais bouclé, bouclé. Mais du coup, oui, là c'est évident si c'est Ouais. aussi ondulé ou frisé. Même moi, j'ai les cheveux ondulés. Et donc Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup, oui. même moi. Non, non, mais parce qu'au départ, je pensais que c'était juste les cheveux bouclés, bouclés. Oui, je vois, oui, Donc avec des j'hésitais un vraies peu. boucles dessinées. Oui, Voilà. je comprends. Non, c'est Mais du vrai. coup, là, oui, bah, ça m'étonne pas. Et ce qu'elle précisait, c'est que le marketing autour et les produits vendus, notamment en Europe, pour les cheveux, nous montrent des canons de beauté avec des cheveux lisses. On est beaucoup plus sur des cheveux lisses dans tout ce qui est publicité, médias, etc., que sur des cheveux bouclés, alors qu'en fait, c'est le type de cheveux qui est le plus répandu. Et une autre info que j'ai trouvée intéressante, c'est que, en fait, dans les pays où il y a une majorité, là, vraiment, de cheveux même quasiment crépus, ça va être, par exemple, elle citait l'Afrique, le Brésil, et ben, on va avoir un taux d'humidité dans l'air qui est très fort, très important. Et quand on est en Europe avec des cheveux bouclés, l'air n'a rien à voir, il est beaucoup moins humide et du coup, les boucles vont être complètement asséchées. Les cheveux bouclés ont besoin d'être hydratés en fait. C'était ça, Bah, pour la son petite anecdote, conseil. Oui. quand j'étais en master, j'avais des copines antillaises qui Ouais. découvraient en France métropolitaine pour la première fois et Ah elles oui. disaient que quand elles se lavaient les cheveux en France métropolitaine, ça leur défonçait les cheveux en fait. L'eau d'ici, et puis oui, j'imagine que c'est aussi l'air d'ici, tout ça. Il y en a même une Elle voyait qui une devait grosse s'appliquer. différence. Ouais, ça. Bah, il y en a une, elle me disait, bah, j'ai même pas besoin de me couper les cheveux, en fait, ça les fait tomber tout seul. Waouh. Et D'accord. il y en a une autre qui allait acheter ses bouteilles d'eau pour se laver les cheveux avec. D'accord. Tellement l'eau peut être calcaire, Oui, c'est agressée sur ses sûrement ça. cheveux. C'est fou. Donc en fait, quand on est depuis l'enfance dans un environnement, on s'adapte vraiment, et notre corps, notre peau, nos cheveux s'y adaptent aussi. Mais quand on change à l'âge adulte, c'est plus compliqué. Ah, c'est Ouais. intéressant. Steven? C'est excellent quand même tous les termes qui ont été inventés pour expliquer tout ça. Franchement, c'est génial. Tu évoques le scrunch notamment, un petit néologisme, cri-cri. Ouais. Pour moi, c'est moins de 50%, non? Il faut pas exagérer quand même. Eh bien, Et exagérons, exagérons, cri-cri, pourtant. puisque c'est plus de 50%. Ouais, c'est fou, hein. Et les médias, encore une fois, ne nous montrent pas du tout la réalité du coup de la répartition Ouais. des statistiques. Alors, maintenant, parlons maquillage, experte Juliette. L'erreur que vous reprochez trop souvent par rapport à l'application de l'eyeliner, experte Juliette. Je précise à nos auditeurs que nous avons encore deux questions, trois questions make-up, et qu'ensuite, il y aura une petite partie, les auditeurs t'imaginent. Donc, je compte sur votre attention, parce qu'ensuite, vous imaginerez ma belle experte Juliette. Donc, quelle est l'erreur que vous reprochez trop souvent par rapport à l'application de l'eyeliner, experte Juliette? L'erreur à ne pas faire, bah, c'est d'éternuer juste après s'être mis de l'eyeliner. En Bon vrai, il faut faire très conseil. attention, ne pas se toucher les yeux. Bon, ça Ah semble un peu oui. évident, mais je préfère le préciser. C'est toujours mieux. Cri-cri nous écoute. Et sinon, ben, l'erreur à ne pas faire, c'est de faire un trait trop épais. Très bien. Ah, large choix de conseils. Merci, expert Juliette. Voici ce que nous propose Julien Michel dans son interview sur le site Beauty Licieuse. Michelet, pardon. Julien Michelet. appliquer son eyeliner avec la même épaisseur sur tout le contour des yeux, c'est ça pour lui l'erreur type. C'est de faire un trait aussi gros côté paupière, côté nez, que paupière côté oreille. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? Puisque seuls les yeux globuleux peuvent s'en sortir avec cette méthode, les autres types de yeux vont rapetisser ou sembler fermés avec cette façon de faire. Avec un crayon ou un fard, il vaut mieux commencer à déposer le produit à l'extérieur de l'œil, donc côté oreille, et estomper le produit vers l'intérieur au lieu de le poser directement. Vous approuvez? Oui. Bon, là, quand je parlais de l'épaisseur du trait, je voulais dire ça, Eh en gros. bien, Voilà. oui. Et du coup, a priori comme ça, ce Julien Michelet, c'est un professionnel que vous pourriez embaucher dans votre équipe d'experts. Ben, à voir, parce que je trouve que ça peut faire un petit peu débutant, Ah. sa manière de s'exprimer là sur l'eyeliner. Je pense qu'il faudrait qu'il étoffe un peu plus le Je comprends. raisonnement. Alors, on va lui laisser un peu plus de chance puisque les deux autres questions, il s'est exprimé sur ces deux autres questions. Ah, Quel est super. pour vous, déjà experte Juliette, le faux pas rédhibitoire pour le blush cette fois-ci? Le faux pas rédhibitoire pour le blush. C'est de mettre une couleur un peu trop différente de son teint. Pour moi, il faut mettre une couleur qui se rapproche du teint, mais qui s'en éloigne un petit peu, mais pas trop. Alors, ce que nous propose Julien Michelet, qui est, je précise, color spécialiste chez Clinique France, en 2015 en tout cas, il nous dit qu'il ne faut surtout pas appuyer trop sur son blush. Il est censé ne pas il n'est pas censé y avoir de contour défini autour du blush. Il faut garder un geste souple et doux. Il faut peut-être aussi, pardon, il peut aussi être une bonne idée de garder sa poudre matifiante à portée de main pour le fondre ensuite en mélangeant un petit peu les deux matières. Est-ce une réponse satisfaisante pour vous? Bah oui, je suis d'accord. C'est un peu l'erreur de débutant, hein. Le fait de trop Ah, appuyer encore une fois. Ah, c'est sûr. sur les joues. Dernière question, expert Juliette, et après nous passerons aux auditeurs, t'imagines. Quels sont selon vous les faux pas à ne pas commettre en maquillage pour le fond de teint cette fois-ci? Ça fait beaucoup de maquillage, tout ça. Pour le fond de teint. Bah, je pense qu'il faut pas trop en mettre et il faut pas en mettre sur l'intégralité du visage. Il faut en mettre que sur les pommettes. Et ensuite essayer de d'unifier un peu le tout avec. Avec un pinceau ou avec les doigts. Mais voilà, l'erreur à ne pas faire, c'est d'en mettre partout, sur tout le visage. Eh bien, mais c'est que vous révolutionnez la vision du fond de teint ce soir avec nous. Sur Beauté Imaginée, on a un véritable scoop donné par l'expert Juliette, hein, puisque Oui. tout le monde sait que le J'hésitais à fond de vous teint, dévoiler ce secret, mais je me suis dit, oui. allez, Ah, pour d'accord, ce bah, je soir. vous remercie infiniment, puisque tout le monde s'accorde à dire que le fond de teint doit être disposé harmonieusement sur l'ensemble du visage et même dans le Non, non, début c'est du cou l'erreur à ne et pas au niveau au niveau des cheveux, il doit être vraiment. Travailler pour qu'il n'y ait surtout pas de démarcation si on en ajoutait que dans une seule partie. Cri-cri va intervenir. J'entends Juliette, je me rends compte que j'ai eu tout faux jusqu'à présent, hein. Je Ah, pense que je vais super. devoir tout changer. Ah là là là C'est là. encore si bien joué. Tellement généreux de la Mais part de Juliette de nous donner tous ces secrets. Vraiment, merci, merci. je Ouais, pense je que suis Sophie d'accord. n'a pas fait appel à des experts comme moi. C'est ça son erreur. Ah, mais en même temps, c'est tellement rare de tomber sur quelqu'un comme vous, Juliette. Bah oui. Alors, je vais vous donner la réponse de Julien Michelet. Bon, pour lui, une erreur, c'est penser qu'un fond de teint plus foncé donnerait bonne mine. Il va plutôt ternir la peau, faire ressortir les ridules et les pores dilatés. Il vaut mieux qu'il soit un peu trop lumineux qu'un peu trop sombre. On peut toujours se donner bonne mine avec un produit qui ne couvre pas, comme un bronzer ou une poudre. Mais donc la clé, c'est vraiment d'utiliser d'abord un fond de teint vraiment de la couleur de notre peau, de notre carnation, en regardant notre teinte dans au niveau du poignet, dans l'intérieur du poignet. Et ensuite, si on veut laisser bonne mine, on ajoutera une poudre qui donne bonne mine, mais le fond de teint, lui, doit être appliqué partout harmonieusement et dans la bonne couleur. Bref, encore un expert qui n'a pas froid aux yeux en s'appropriant allègrement vos propos, hein, expert Juliette. Ah oui, c'est ça. Ah, bon, on a eu assez de pris assez de claques de connaissances ce soir avec vous, chère Juliette. Merci infiniment. On va passer aux auditeurs. Vous imaginez, chers auditeurs, vous allez pouvoir nous proposer vos réponses. Figurez-vous, révélation encore, que Juliette nous a caché des choses pendant toute cette année de participation au live de Beauté Imaginée. Bon, j'espère que vous ne serez pas déçus. Déjà, Juliette est la sœur d'une autre auditrice régulière. Dites-nous si vous avez une idée. Ensuite, elle nous a menti sur quelque chose d'autre. Donc, dites-nous si vous avez une idée. Et enfin, en lien avec la beauté cette fois-ci, vous pouvez deviner la teinte de vernis que Juliette a choisi de porter actuellement. Et la photo mystère que je posterai dans un instant vous en fera la révélation. Alors, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Juliette a une sœur cachée qui est une auditrice. Qui ça peut être? Elle nous a menti sur quelque chose. Est-ce que vous avez une idée? Et enfin, quelle est la teinte de vernis qu'elle porte actuellement? Nous avons actuellement Andrea, Astrée est revenue, Steven, Léa, Cricri, Sophie. Nous Des questions voulons complexes. des réponses, des questions très complexes. J'espère que vous allez vous exprimer. Steven. C'est pas la sœur de Astrée. Et ensuite, je ne saurais pas ce que Juliette nous a caché. Je pense que en fait, elle est vraiment experte. C'est possible. Je crois que c'est la meilleure blague de ce 1er avril. Alors, on va voir. En tout cas, merci pour tes suppositions, Steven. Qu'en pense Cricri? Alors, je dirais que Juliette est la sœur d'Andrea. Elle nous a menti sur le fait qu'elle faisait 10 ans de moins. En fait, elle fait plutôt 10 ans de plus. Et En fait, son j'ai 4 ans. vernis est vert. Qu'est-ce que vous avez précisé, expert Juliette? Bah, que du coup, finalement, j'ai 4 ans. Ah, d'accord, vous avez 4 ans. Est-ce que un autre auditeur veut se positionner? Andrea, Astrée, Léa, Sophie, est-ce que vous voulez deviner ce que Juliette nous a caché, la sœur cachée qu'elle a parmi les auditrices plutôt régulières et la couleur de son vernis? Sophie? Salut Sophie. Alors, moi je dirais que c'est la sœur de Léa, que son vernis est bleu turquoise et qu'elle nous a menti sur ses études. Eh bien, merci à tous les trois pour vos propositions. Juliette, roulement de tambour, là c'est un événement sur Beauté Imaginée. Vous allez nous dévoiler quelque chose d'incroyable, sachant que vous étiez la première invitée à participer à Beauté Imaginée. Le suspense est intenable. Allez-y. Alors, je commence par la première question. Votre sœur. Ma sœur est donc Astrée. Bien Bien joué, joué, Steven. Steven. Qu'est-ce qui t'avait mis la puce à l'oreille, Steven? Et donc, vous nous avez menti Et sur oui, j'ai autre menti sur chose quelque chose à de propos très de moi. intime. Très Ouais. intime. Personne n'a eu la bonne réponse là. Non, personne. Personne ne se doute. Mais Personne en ne se doute. fait, il n'y a eu aucune gaffe à ce sujet. Aucune Jamais. gaffe. Jamais. Surtout pas par un membre de ma famille. En fait, mon prénom n'est pas Juliette. C'est pas vrai. Et si. C'est un Ah, nom de scène. oui. Oui, effectivement. Mais alors, du coup, est-ce que je donne mon vrai prénom ou pas? Alors, est-ce que vous avez entendu, chers auditeurs, à un moment... Ah, Sophie intervient. Non! Mentir sur son prénom! Oui. C'est scandaleux. Bon, heureusement que j'ai une estime énorme pour l'expertise de Juliette, parce que là, sans ça... Est-ce que vous avez, chers auditeurs, entendu une gaffe ce soir encore hein, de la part d'Astrée dans ses commentaires? Parce que Astrée est très à l'aise avec les petits pics, mais avec le jeu de faux prénoms, beaucoup moins. Vous avez peut-être entendu le véritable prénom de Juliette ce soir. Bon, Steven, est-ce que tu as entendu? Parce qu'il n'y a que toi qui ne sais pas. Bah, je peux Ce répondre soir, à la troisième on n'est pas très question en nombreux. attendant. Ah, cri-cri. Oui, j'ai entendu tout à l'heure Astrée citer le vrai prénom de Juliette. Ah, mais oui. Parce que pour rappeler un peu le contexte, mon premier live, c'était avec Juliette. Et mon deuxième live, c'était avec une certaine Mathilde, qui ensuite a préféré arborer fièrement son vrai prénom d'Astrée. Mais donc, mes deux premières invitées n'étaient pas très à l'aise avec le fait de dévoiler leur véritable identité. Alors en fait, j'ai oui entendre quelque chose, mais je l'ai oublié assez vite. Je suis désolé, Juliette. Enfin du coup, non Juliette, mais voilà, insérez le prénom désiré. Ça te colle à la peau, Juliette. Alors vas-y, comment t'appelles-tu en réalité? Ben, je m'appelle Solène. Solène. Oh, est-ce qu'on était censé se réjouir de cette nouvelle? Non, mais c'est vrai que j'aime bien le prénom Juliette. Oui, pourquoi Juliette d'ailleurs? Bah, j'aime bien ce prénom. D'accord. Voilà, c'est tout. Non, mais c'était juste histoire de ne pas mettre mon prénom, du coup j'ai mis un prénom que j'aimais bien. Oui, c'est ça. Cri-cri. Voilà. Ah, Solène, c'est un beau prénom, hein, vraiment. Ah tiens, bah merci, c'est gentil. Je dirai à ma mère. Et finalement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, experte Juliette, que vous acceptez de vous dévoiler comme ça? J'en ai un peu marre de l'anonymat. Ah, Je me dis de cette que double identité. faudrait quand même que mes fans soient au courant de qui se cache vraiment C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que vous avez derrière réussi à rassembler une sacrée communauté via la communauté de beauté imaginée. Donc, Voilà. bravo, Steven. Enchantée, Solène. Eh ben Mais écoute, pour moi, tu resteras Juliette. Je suis désolé, mais je t'appellerai Solène si tu acceptes de t'appeler ainsi. tu voulais dire, je crois que tu t'es trompée à la Juliette fin. Solène, il n'y a pas de... Ça me va. Je crois... Voilà, en tout cas, je suis d'accord pour continuer avec Juliette parce que c'est trop drôle. Bah Et oui. pour ce qui est du vernis, ah bah je vais poster tout de suite la révélation. Juliette, je vous laisse meubler un petit peu en nous parlant peut-être d'une, que sais-je, d'une actualité beauté qui vous a marqué aujourd'hui. Une actualité beauté. Oh, quelque chose, une info beauté, ce que vous voulez. Bonne chance. Ah, que j'aurais apprise, Oui, peut-être. fameux, parler quoi. Bah, je vais parler de mon vernis, je pense que vous allez bien aimer. Ah. Et à mon avis, bon alors ok, les trois personnes ont donné une réponse, je crois. Personne n'a trouvé et personne n'était proche de la vérité. C'est vrai. Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à choisir cette teinte? Pas mal, oui. Pas mal. Il y a encore des jours où je regrette un peu, après je me dis, non, non, c'était le bon choix. Chers auditeurs, rendez-vous sur ma page Instagram, Beauté Imaginée, avec le tiret du 8 entre les deux mots, pour aller découvrir tout de suite la teinte choisie par Juliette aujourd'hui. Hop, c'est parfait. Bon, bah, en tout cas, c'est ça y est, notre live touche à sa fin. C'était vraiment très, très drôle pour moi de t'interroger, Solène, en ce 1er avril. J'avais pensé à ce concept depuis août dernier, je tiens à le dire. Tout ce temps, j'avais hâte de le faire. Et au début, naïvement, j'attendais d'atteindre les 300 abonnés à ma chaîne stéréo. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'a pas beaucoup bougé. Il manquait une petite dizaine de personnes pendant des semaines durant. Donc j'ai choisi d'attendre le 1er avril parce que j'adore cette date. Ouais, Bon, date bah, très symbolique. ouais. Juliette, merci encore d'accepter d'être ce personnage, Juliette, pour lequel tu n'as pas à beaucoup te forcer, je le sais. Chers Super. auditeurs, merci beaucoup. La semaine prochaine, dimanche, on redevient sérieux 2 minutes. N'oubliez pas, hein, cette date importante, mobilisez-vous. C'est important pour le pays. Non, non, je ne parle pas du tout d'élection présidentielle, hein, mais bien du premier anniversaire des lives de beauté. Imaginez, c'est dimanche 10 avril. Le gouvernement m'a même contacté parce qu'ils avaient peur que cet événement leur fasse de l'ombre, Bah déconcerte les Français. Mais bon, j'ai humblement promis de me faire toute petite il va exceptionnellement y pour leur avoir laisser une beaucoup chance, quoi. d'abstention de vote à cause de toi, tu le sais. Bah, c'est tout le dilemme, tout le dilemme. Du coup, on revient sur Stéréo le lundi 11 avril, donc le lendemain à 20h45, pour fêter les 1 an de beauté imaginée avec Astrée pour une émission spéciale. On vous sollicitera en story à ce sujet dans les prochains jours. On va écouter nos commentaires. Cri-cri. Bravo en tout cas parce que l'humour nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Merci, Cri-cri. Qu'est-ce que tu retiens? Je veux une info. Steven? Suis très content d'avoir pu participer à ce live, en tout cas c'était bien, c'était génial. Bravo Juliette pour ton interprétation, c'était cool. Merci beaucoup Merci. Steven et merci d'être resté jusqu'à la fin parce qu'on espérait vraiment que tu sois là en voyant les auditeurs présents pour les infos à deviner parce que du coup il y a quelques personnes qui connaissent déjà le véritable la véritable identité de Juliette. Du coup, Alice, j'y pensais. Enfin, j'y pensais. En fait, je me demandais si ça vaudrait pas le coup de faire un live. Enfin, moi, ça m'intéresserait du moins sur justement les conséquences de la guerre sur le monde de la cosmétique, parce que j'imagine qu'eux aussi doivent souffrir de l'approvisionnement et de surtout comment est-ce que le monde de la mode s'adapte face à ça, face aux sanctions, face à ce monde qui bouge finalement. Ah ouais, c'est hyper intéressant. C'est une très bonne idée. Ouais. Ça te dirait d'être invité du coup? Parce que là, comme ça, je me demande quelle personne pourrait m'accompagner pour un tel live. C'est vrai que ce serait intéressant. Bonne Ouais, idée. c'est vrai. Cri-cri. Bonne suggestion. L'importance du massage quand on met une crème, et puis toutes les histoires sur l'eyeliner aussi, la façon de le poser. Ouais. Bon bah c'était vraiment très très marrant comme format, Steven. Bah écoute, pourquoi pas? À voir comment est-ce qu'on peut organiser ça, mais carrément, moi je serais chaud. Ouais, bah génial. On en reparle, ça peut être un thème carrément pour la fin du mois, pourquoi pas. Merci à tous. On se quitte sur le slam de beauté imaginée et du coup, on se retrouve le 11 avril, 20h45, sur Stéréo, toujours, hein, qui nous permet, pour ce type de thème, plus de dynamisme. Merci beaucoup, Juliette. Merci à Merci de tous. m'avoir invité. Au revoir tout le Avec monde. plaisir. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis un visage dissimulé. Sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret. Je me plais à questionner lors de mes lives à l'invité.